Avec le film Her, l'auteur et réalisateur Spike Jonze a réussi le pari assez osé de mélanger science-fiction et romance tout en montrant les implications d'une société future reposant sur la technologie. Mais contrairement à beaucoup d'œuvres de science-fiction, l'histoire ne verse jamais dans l'utopie ou dans la dystopie. Pour rappel, le film sorti en 2014 raconte l'histoire de Theodore Twombly dans un futur proche à Los Angeles. C'est un homme sensible au caractère complexe qui est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un programme informatique ultra-moderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance de Samantha, une voix féminine, intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de Théodore, et peu à peu, ils tombent amoureux. Alors évidemment, le thème de science-fiction traité ici, c'est l'intelligence artificielle, avec notamment la question de savoir si nous allons développer des émotions à leur égard, et inversement. Mais la thématique de la solitude est au cœur du film. Théodore est un personnage très seul, qui n'arrive pas à lâcher prise sur sa précédente relation et qui, du coup, n'arrive pas à en commencer de nouvelles. Il vit dans un appartement très spacieux et confortable, ce qui renforce ce sentiment de solitude. On le voit souvent errer dans les grandes pièces ou sur les grandes places et rues de Los Angeles. Son travail lui aussi renforce sa solitude puisqu'il écrit des lettres d'amour pour les autres. Même lorsqu'il tombe amoureux de Samantha, son système d'exploitation, il reste seul à l'écran. Il semble certes plus heureux, mais ne peut le partager. C'est donc un film d'amour, où seulement un des personnages du couple est physiquement mis en scène, et ça, c'est très fort. D'un point de vue esthétique, on remarque très vite que le film est très lumineux. La photographie ne verse pas dans un contraste renforcé, et la ville de Los Angeles est montrée sans négativité exacerbée. À l'inverse par exemple de Blade Runner, Soleil Vert, Dark City ou encore Matrix. Clairement, le monde dépeint et le futur représenté ici par Spike Jonze ne tendent pas vers la dystopie. Ce n'est pas un avenir où la technologie a asservi la société, ou un monde dans lequel des inégalités terribles existent. Au contraire, ce Los Angeles a l'air très propre, très sûr. Les gens semblent heureux et épanouis. Aucune violence, aucun sans-abri. C'est comme si Spike Jonze soulignait implicitement que la technologie va résoudre beaucoup de nos problèmes actuels. Il n'y a pas vraiment de jugement clair donné par l'auteur. C'est plutôt à nous, spectateurs, de nous faire notre propre opinion. La société semble également accepter relativement bien la relation particulière qu'entretient Théodore avec son système d'exploitation. Il n'est clairement pas jugé en permanence. Au contraire, la voisine de Théodore entretient une relation amicale avec son OS1. Et trouve ça plutôt cool. Aujourd'hui, pas sûr que votre entourage vous soutienne si vous sortez avec un smartphone. Il n'y a que l'ex-femme de Théodore qui le prend pour un tordu, mais ça s'explique aussi par la rancœur qui existe entre eux. Et à la fin du film, on réalise qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont dans le même cas. Un peu comme si le film nous révélait ce que tout le monde a vécu à cette époque, à travers l'exemple de Théodore. Donc Spike Jonze n'a pas cherché à nous dire que ce sera péché de tomber amoureux d'une intelligence artificielle. Il y a beaucoup plus de subtilité dans l'écriture qu'une simple critique noire de ce futur proche. En revanche, cela n'empêche pas le réalisateur de dresser des petites piques sur notre société actuelle et son évolution. L'âge des smartphones, notamment. Il y a une scène où Théodore consulte son smartphone qui lui propose du contenu. Il rejette des actualités du monde, mais se laisse tenter de regarder une star se mettant à poil. Acte de pur voyeurisme, caractéristique de notre société actuelle. Par ailleurs, de nombreux plans larges montrent également la foule presque constamment les yeux rivés sur les téléphones. D'une manière globale, on sent donc que l'hyperconnexion dans ce futur proche a changé profondément les relations humaines et que la technologie moderne qui élève le niveau de vie n'empêche pas la solitude. C'est donc un film d'anticipation un peu particulier qui flotte entre utopie et dystopie, mais qui se veut plutôt comme une extension de notre monde contemporain. La science-fiction est donc ici utilisée comme contexte pour développer une romance 2.0. Article, histoire courte de science-fiction, podcast. Si vous en voulez plus, je vous invite à visiter le blog The Flares. Et pour ceux qui souhaitent donner leur hypothèse sur le futur, rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Marc pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Merci et à bientôt.